dire rien que je disais d'avoir un star. Tu sais, je suis loin d'être une star. Je suis plus survêtue que co-star. Je suis en guerre comme le tsar. Je suis dans les stars. Bloc dans les blocs, ça tartine, croque. La vie à pleines dents, dans la merde, tu en plein dents. Indépendant depuis le début, ça fume des obus. Je me mets à insulter les gens à chaque fois que j'ai trop bu. C'est foutu, la nouvelle génération est niquée. Ça tombe toute ta mère, la reine des putes, pour un briquet. Ok, les petits sont de spi, dans l'illicite on l'inspire. Dommage que certains d'entre eux chantent comme des biches. J'suis devenu ce papi, chulo, va faire en culot. J'y vais au culot, bois le whisky au goulot. Vendre de la drogue, c'est un boulot, mon pote. Fais un des cocoyotes. Faire un tech aux carottes, en chien comme un rot. Veilleur numéro 9 comme Rudy Voleur. Petit déjà j'étais un très grand voleur. Malheur à ceux qui trahissent la famille. Moi j'ai très peu d'amis. J'suis plus calibre que tatami. Jour ami avec les anciens. Traîne avec des martiens. D'où je viens pour jouer ta guitare. Pas besoin d'être musicien. Y'a des pharmaciens dans toutes les cités. Le THC est ta vaccin quand t'es trop excité. J'suis chuté. Le monde est stone, rien décane pas, j'suis tête. Qu'à dangereuse est la zone, c'est le zoo. La réalité, c'est pas les réseaux. Mon poteau, c'est la merde, la rue vient de perdre les eaux. C'est chaud, mes frères tombent comme des feuilles. Dis-moi quel est le fils de pute qui nous porte l'œil dans ton cercueil. Tu n'emporteras rien, tu partiras qu'avec ce que t'as fait de mal, ce que t'as fait de bien. Ouais, tu n'emporteras rien, tu partiras qu'avec ce que t'as fait de mal, ce que t'as fait de bien.